Le gouvernement, conscient de la nécessité de ne pas se laisser devancer et dominer par les événements, a soumis à l'approbation de la Chambre des députés et du Sénat un projet de loi cadre tendant à faire participer étroitement les originaires des pays d'outre-mer à la gestion de leurs propres affaires. Le système de la loi cadre qui a été proposé permettra de prendre par décret les mesures qui s'imposent. En premier lieu, le suffrage universel sera instauré. Lors des prochaines consultations électorales, le paysan noir pourra, au même titre que le diplômé, exprimer son opinion. Les élus africains pourront, dans les conseils de gouvernement qui seront créés auprès des gouverneurs, participer à l'exercice du pouvoir exécutif. Dans ces conseils, les représentants des populations auront la responsabilité effective de certains secteurs d'activité. Les assemblées créées depuis 10 ans dans les territoires d'outre-mer verront par ailleurs leurs compétences et leurs pouvoirs accrus. La fonction publique sera réorganisée afin que les Africains dotés d'un certain niveau d'instruction puissent trouver chez eux les emplois correspondants à leurs connaissances. Cette réforme sera réalisée de façon à ne pas léser les fonctionnaires actuellement en service, car la politique de progrès définie par le gouvernement ne doit pas s'appliquer contre eux ou à leur détriment. Sur le plan économique, la loi cadre prévoit toute une série de mesures destinées à élever le niveau de vie des habitants des territoires d'outre-mer. Le projet de loi cadre élaboré par le gouvernement forme un ensemble dont chaque point a été minutieusement étudié. Il constitue un maillon d'une politique à long terme d'association entre la métropole et les pays d'outre-mer. Aujourd'hui, il est avéré que seuls les grands ensembles économiques et politiques peuvent prétendre jouer un rôle sur la scène mondiale. Il est donc plus que jamais nécessaire de maintenir la cohésion de l'Union française. Les peuples d'outre-mer sont prêts à partager notre destin. Ils aspirent à participer aux décisions qui l'engagent. Comment ne pas les comprendre? Cette ambition légitime peut et doit être satisfaite. La loi cadre en fournit les moyens. Un esprit nouveau, fondé sur le respect de la personnalité de chacun, doit présider à nos relations avec les territoires lointains de la République. Il faut sans plus tarder s'engager dans cette voie. Céder aux fausses prudences, accomplir des semblants de réforme, risquerait de provoquer de nouvelles difficultés. Seule une politique réaliste peut sauvegarder l'avenir. C'est dans cette voie que le gouvernement a décidé de s'engager. On a pu reprocher à Gaston Defferre d'avoir élaboré son projet sans aucune consultation des élus africains et de leurs assemblées. Est-ce exact ? Et quel fut en fin de compte le destin de cette loi cadre ? La non-consultation des élus africains est probablement exagérée, puisque nous savons qu'en 1956, plusieurs Africains sont membres de l'Assemblée nationale ou membres du Conseil de la République. Donc on peut penser qu'il y a eu des négociations et des discussions entre eux. Beaucoup d'ailleurs d'Africains ont applaudi à l'esprit nouveau de la réforme. Mais le grand problème est que les Africains étaient divisés en gros entre deux tendances. Les partisans du maintien des fédérations de l'AOF et de l'AEF telles qu'elles existaient à l'époque, et ceux qui, au contraire, pensaient qu'il fallait constituer les territoires en État souverain. Donc la grande question débattue, c'est est-ce que ce n'est pas la loi cadre qui a balkanisé l'AOF et l'AEF ? Question difficile, parce qu'on peut se demander, est-ce que c'est la loi cadre qui a balkanisé l'Afrique ou au contraire les décrets d'application qui ont balkanisé le continent ? Autrement dit, des deux hommes qui étaient membres du gouvernement à l'époque, le ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defferre, et le ministre d'État délégué à la présidence de la République, Félix Houphouët-Boigny, lequel de ces deux hommes a été le responsable de la balkanisation ? En France, les événements se précipitent le 13 mai 1958, le jour même où le président du MRP, Mouvement Républicain Populaire, Pierre Pfimelin, se présente à l'Assemblée nationale pour recevoir l'investiture et former son gouvernement. Ce jour même, 13 mai 1958, à Alger, le général Massu, avec l'accord du général Salan, prend la tête d'un comité de salut public. Le 1er juin, Charles de Gaulle est investi comme chef du gouvernement et le 13, au micro de la RTF, il s'adresse à la nation.